armures, nous détruirons toutes les prisons. Pierre par pierre et mur par mur, nous détruirons toutes les prisons. À la mi-octobre 2020, nous sommes descendus à Troyes vers le Pays Basque pour rencontrer Marina et Maïté, voir où ça allait nous mener dans notre envie de créer un support radio anticarcéral et féministe. Notre point de départ, en allant voir ces deux personnes, était de chercher en quoi la tôle a pour rôle de contraindre des individus à rentrer dans le droit chemin, et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ça quand on est perçu comme une femme, avec toutes les attentes genrées qui vont avec. Qu'est-ce qui se joue quand on transgresse à la fois les lois de l'État, mais aussi les normes attribuées au genre féminin? Car une bonne femme n'est pas censée avoir des pratiques illégales, encore moins qu'un homme. Une bonne femme doit avant tout s'occuper du foyer, prendre soin des autres, être douce et prudente. Une bonne femme n'est tout simplement pas censée se retrouver en prison. On pense donc que l'institution prison va tenter de réassigner les personnes au genre féminin attendu, comme le fait l'école par exemple avec les petites filles. Du coup, on a demandé à Marina et Maïté de raconter qu'est-ce qu'elles en ont perçu pendant leurs années en prison. Toutes les deux sont des meufs cis blanches. Elles ont été accusées de collaboration et participation à l'ETA, organisation politique qui lutte depuis les années 50 pour la libération du Pays Basque. Elles ont passé une douzaine d'années dans différentes prisons pour femmes de l'État français et un petit peu en Espagne à la fin. Elles sont sorties en 2019. En tant que prisonnières basques, elles ont eu un grand soutien de l'extérieur par le mouvement indépendantiste basque, ce qui a joué dans comment s'est passée leur incarcération en termes de ressources matérielles et psychologiques. Ça fait du bien d'entendre ces témoignages parce qu'ils rappellent que si la logique de la tôle est celle de la destruction, que la brutalité et la méchanceté de celles et ceux qui y travaillent cherchent à broyer les gens, il y a des choses qui échappent à leur contrôle. Elles nous parlent de la joie, des amitiés, de la solidarité et des luttes qui continuent dans la tôle et ça fait chaud au cœur. L'entretien dure 1h30. Les thèmes abordés vont être la pression à être une bonne mère ou une bonne femme tout comme il faut, le travail et les activités genrées, le contrôle des corps et de la sexualité en prison, le fait d'être perçue comme violente en tant que meuf, la psychiatrisation, la solidarité entre prisonnières et à l'extérieur, et la mise en concurrence entre elles. Enfin, dans l'entretien, il y a beaucoup les termes de femmes et hommes qui reviennent. On préférerait parler des personnes qui se retrouvent enfermées dans des prisons dites pour femmes ou pour hommes. On veut dire par là que toutes les personnes dans ces tôles ne se reconnaissent pas forcément dans la case qui leur est attribuée, qu'il y a des meufs trans dans les prisons pour hommes et des gars trans dans les tôles pour femmes, et qu'il y a des personnes aussi qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité homme-femme. Et c'est bien là une des violences de la prison, te réassigner à la norme. Salut. Et ben d'abord merci de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis de vous rencontrer, et c'est vraiment trop chouette comme cadre. J'ai une vue vraiment magnifique devant les yeux, c'est assez ouf. Et merci d'avoir pris le temps de ce week-end pour qu'on ait le temps de discuter, de se rencontrer et puis de savoir comment on avait envie de discuter. Ah, merci à vous de venir, contente de vous avoir dans nos chers Pays Basque. Et aussi, voilà, merci de vous intéresser à ce sujet. Bon, c'est super important de parler de la prison, des gens qui sont à l'intérieur et comment on peut faire pour vraiment briser ces murs assassins qui sont en train d'assassiner des gens tous les jours. Assassiner physiquement, mais aussi moralement et émotionnellement. Je me disais qu'on pouvait commencer à discuter de la question des rôles genrés et comment, à l'intérieur, l'administration pénitentiaire, souvent on va dire la paix, nous force à travers des activités, à travers de la répression, à travers des remarques et tout ça, à adhérer et à correspondre à des normes de genre, aux normes de la maternité, du rôle de mère, tout ça. Moi, je réponds. Salut, c'est Marina. Moi, je pense que il y a plusieurs choses qui jouent là. La plupart d'entre elles, ça passe pour l'infantilisation et le paternalisme, pour le contrôle de nos corps, qui ça passe aussi pour la façon où on s'habille, par exemple, ou les activités qui, comme tu as dit, effectivement, qui nous sont proposées. Bon, déjà, il faut savoir que beaucoup d'activités, c'est les bonnes sœurs qui les font. Mm-hmm. Et ça, avec toute l'idéologie et toutes les formes d'oppression qu'il y a derrière ça. Mais les activités, c'était dirigé plutôt vers les activités culture, tricot, soins corporels, des formations sur la coiffure, sur la manicure, des ateliers détente, relax. C'est vrai que pour le sport, il y avait aussi la boxe. Je pense que l'administration pénitentiaire utilise les sports des contacts plutôt dans le sens de fout le monde et ouais. Trouver une soupape d'évacuation pour, ouais. Pour tous les stress qui est cumulé. Je pense que c'est stratégique parce que j'ai trouvé ça dans tous les tôles à peu près. Et des mecs aussi, j'ai entendu qu'il y a la boxe. La marque femme dans les tôles aussi, c'était parmi les choses qu'elle nous donnait à l'occasion d'acheter. Et par exemple, c'était une cantine avec plein de produits, des soins corporels, ou des maquillages, ou des vernis d'ongles, des choses comme ça que j'ai des gros doutes que ça se passe comme ça chez les mecs, quoi. Et aussi, j'ai oublié aussi de rajouter que par exemple, il s'est passé des choses curieuses parce que nous, on pouvait demander l'autorisation de l'extérieur nous ramène des matériels, par exemple, pour coudre ou pour faire les tricots et tout ça. Des aiguilles, même si elles ne devaient pas être métalliques, elles devaient être en plastique, mais en crochet, des choses comme ça. À la même époque, à Fresnes, je me rappelle que nous, on faisait rentrer des tissus, des aiguilles, tout ça, sans problème. Les mecs, à côté, nos camarades, ils avaient vu ce qu'on faisait, des petites poches pour faire plus de rangement dans la cellule et tout ça, et ils voulaient en faire aussi. Ils ont demandé l'autorisation pour pouvoir faire rentrer ces matériaux-là et ça leur a été refusé. Dans la même tôle, avec la même directrice. C'est louche, un homme qui veut faire de la couture. Ah oui, c'est suspect même. Et souvent, c'est peut-être plus d'activités chez les hommes, plus de travail chez les hommes, ouais. Plus de... Parce que nous, on était moins, plus petits, et bien sûr, on ne pouvait pas se mélanger. Peut-être pas partout. Rennes, par exemple, c'était un peu exception. Parce que Rennes, c'était la seule prison que pour des femmes en France. Vous pouvez condamner, parce qu'après, il y a condamné, c'est ça, condamné. Et le truc du travail aussi, qu'il y a beaucoup moins de travail dans les quartiers femmes. Et claro, pas avoir de travail, ça veut dire pauvreté, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Même le travail, ça veut dire pauvreté, t'as pas de travail. Faut savoir que... Le misère extrême, c'est trop dit, quoi. Parce que c'est l'esclavage, c'est clair et net, quoi. Mais là-bas, c'était réglementé pour que ce soit comme ça. Oui. C'était pas une situation d'exploitation parce que tu t'es retrouvé dans la merde et t'as pris ce que t'as trouvé, mais c'était pensé pour être comme ça. Mmh. Et dit comme ça, par un directeur de prison, et de dire, les grandes entreprises viennent ici parce qu'elles savent qu'elles vont trouver le main d'œuvre pas cher. Mmh. Et c'était pas comme ça, ils partaient ouvrir une usine, n'importe quelle autre. Et en plus, après, ils font, regardez, c'est fabriqué sur le territoire français, c'est local, on fait la réinsertion avec les prisonnières, on est super sympa. Ouais. Les surveillants, si tu ne vas pas travailler, j'ai vu des surveillants gueuler aux filles, comme si c'était la gamine qui ne veut pas aller à l'école. Il faut que tu ailles au médical pour avoir un certificat médical, comme quoi tu ne vas pas travailler parce que tu vas mal. Mais après, ils ne te payent pas le congé. Il n'y a pas de congé payé si tu es malade. Mmh. Tu restes sans travailler. Il n'y a pas de droit de travail en prison. Mmh. Et si tu as été méchante, tu es punie. Et peut-être, oui, bah, c'est pas confiné au mitard. Tu ne peux pas aller travailler. Donc ça veut dire que en plus de punir, en plus t'as pas d'argent. Et d'un point de vue de réinsertion, je vois pas beaucoup de logique. Mais bon, je pense que s'il y a une chose que j'ai appris en prison, il faut pas trouver la logique. En tout cas, la nôtre. C'est, ouais, pas, c'est la logique de destruction. De, c'est cette logique-là. Il faut pas chercher d'autre. Il faut pas. Parce qu'il y a pas. Il y a vraiment pas. I'm Atomic Reduction. Avec mes copines, moi de piloter le jet, pour ça pas besoin de minauder. Tu m'as marqué sous ma parka, je me suis cambré pour un high kick. Aïe aïe aïe, tu l'avais pas vu venir. Va que va, j'effacerai vos sourires. T'es tenace, mais je suis bien pire. La menace elle vient d'en bas. Vous songez sur vos ruines, éclabousse vos principes. Je pousse un soupir de plaisir. Niquer l'État, braquer la banque. Pousser dans le bar, que vivent les banques. Et que vivent les banques, et que vivent les banques. Les gosses c'est d'un mec. Les gosses c'est d'un mec. Les gosses c'est d'un mec. Les gosses c'est d'un mec. Les gosses c'est d'un mec. Ma torpeur, je prends ma part. Ambiance story dans le lit. Sous un torrent de fuite, je ferai bouffer le pissenlit. Par la racine, ouais, par la racine. T'as besoin d'un couteau suisse pour trouver mon clitoris. Rejoins-moi sur la piste, touche-moi si je t'autorise. J'ai jamais tort, sauf quand je me trompe. Avec mes corps, on ira manger le monde. On ira manger le monde, on ira manger le monde. En attendant, je tourne en rond dans un 30 mètres carrés. C'est mieux que 9 mètres carrés. M'attends derrière le ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. Je tourne en rond dans un 30 mètres carrés, c'est mieux que 9 mètres carrés. M'a-t-on derrière l'œil ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. D'écouter Pissenlit de la rappeuse Rature et qui vient de son album Disparate. Normalement, dans notre système patriarcal, soi-disant les femmes devront remplir un rôle concret de bonne mère, personne qui prend soin des autres. Je pense que surtout la pénitentiaire nous fait rentrer dans ces moules des bonnes femmes à travers les contrôles de notre corps et de notre sexualité, avec l'imposition de se comporter et d'avoir un quotidien conforme à leur idée de ce qui est une bonne femme. Par exemple, si tu travailles, si tu démontres la volonté de payer des parties civiles, tout ça, ça fait, ou tu as des études, ça joue des choses qui te font rentrer dans ces moules qui voudrait que nous soyons des travailleuses exemplaires et des femmes. Mais au-delà de ça, la chose la plus visible, c'est par exemple les contrôles de la façon où on s'habille. Il y a des consignes de la façon où on peut s'habiller ou pas. L'une des façons, c'est de dire on ne peut pas ramener des jupes ou des shorts trop courts, on ne peut pas amener des choses qui soient trop transparent, qui laisse entrevoir un peu ta culotte ou un soutien-gorge. Déjà, tu peux pas aller sans soutien-gorge. T'as pas droit non plus à des chaussures avec des talons. Tu peux pas avoir un sac à main. Tu peux pas aller avec des dentelles ou des paillettes, certains, des strass, tout ça. Il faut que tu rentres dans un modèle de femme qui soit pas trop court, trop visible, trop provocatrice. Voilà. Mais en même temps, il y avait d'autres vêtements aussi qui étaient interdits. Quand j'ai lu cette fameuse note de Rennes qui disait, bah, c'est ça, non, pas trop court, mais pas trop long si c'est africain ou arabe, si c'est avec des connotations religieuses. Bah. Donc, dans leur note, bah, ils étaient en train de nous dire que c'est interdit d'être musulman, ou en tout cas arabe, africain, au pute. Ça, c'est un papier qu'on vous donne quand... Non, c'est, quand c'était rentres. Sorti une note parce qu'apparemment, les choses étaient en train de se... Aïe, c'était un peu un bordel. Parce que, oh là là là là là là, les filles étaient en train de s'habiller trop court. Et aussi, il y avait celles qui osaient mettre leur chilaba, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou leur... Les Oh, oh là là là là là là, il y avait des filles arabes qui sortaient de la douche avec une serviette... Sur les cheveux. Sur les cheveux. Donc, si c'était moi, c'était pas grave, mais si c'était une grave persécution, ils sont sortis et c'était une autre, que c'était horrible. Ouais. Mais si tu disais que ça avait des conséquences concrètes sur les, comment est-ce que tu peux aller ou pas à un parloir, enfin que tu peux être refusé pour ces questions-là, quoi. Ça va encore plus loin que des remarques, ça peut mener à des interdictions. Bien sûr. Tu ne peux pas sortir de la cellule si tu as une voile à la tête. Si tu es en train de faire le ramadan, c'est le moment de la prière. Ça ne prenait pas beaucoup de temps, mais c'était juste le moment d'aller à une activité. Bah, souvent, tu fermes la porte et tu es dans la merde. Tout le temps, pour dire il faut qu'on soit des vrais républicains français comme eux, ils veulent qu'on soit. Ouais. En tout cas, moi, ça me faisait penser à ce que vous dites sur les fringues, sur... Du coup, la large fonction va pas être à pas avoir l'air, en tout cas, musulmane. Enfin, ne pas l'être aussi et pas être trop provocatrice. Ouais, de ressembler, enfin, en tout cas, d'être étiquetée comme salope ou comme pute. Bah, ça, c'est un truc qu'on retrouve partout, j'ai l'impression. Et en ce moment, dans les écoles, c'est sûr que on en parle vachement. Et tu peux pas être. Enfin, il faut que tu aies une tenue correcte. Et ce truc de la tenue correcte, c'est défini de manière très précise. De pas trop court et en même temps pas trop long si c'est potentiellement connoté religieusement. Oui, parce que c'est quand c'est, c'est, si ouais. C'était un habit long comme ouais. Ça, qui paraissait non, long, ouais. Mais c'était juste en couleur, c'était marqué Adidas Ferran, ça passe. Mais ouais. Si c'est avec beaucoup de couleurs là, hein, ça va pas. Ce qui se ressemble aussi vachement, c'est que. Il y a le discours de ah ouais, faut pas se mettre trop court, notamment trop court, parce que si vous mettez trop court, donc une jupe trop courte ou un décolleté trop long, enfin trop profond, et ben tu risques donc soit de déconcentrer tes petits camarades ou encore pire ton prof de maths qui te mate le décolleté, non mais il y a ça des fois aussi, hein. Et ou alors de te faire agresser, et du coup ce serait ta faute, enfin ta faute pour te protéger, on va pas se dire ah tiens, peut-être que ce serait bien que. Tout le monde, et les mecs aussi, et une éducation, je sais pas, on pourrait dire féministe, ou en tout cas, il y a ces trucs-là qu'on enseigne de pas, voilà. Ouais, c'est toujours la faute des meufs, quoi. C'est toi qui... Parce que tu dois contrôler ton corps pour pas attirer l'attention, parce que sinon, ce sera ta faute si tu te fais emmerder, et on va jamais dire c'est la faute des personnes qui agressent. Enfin, jamais, en tout cas. Plutôt, la base, c'est de culpabiliser sur comment est-ce qu'on est et que j'ai l'impression que ça fait... Enfin, il y a et le truc de culpabilisation et le truc aussi, comme vous disiez, de protection. Ouais. De pour te protéger de ça, on va t'interdire des choses et que ça aussi, ça se retrouve dans la prison. Surtout parce que cette argumentation de pas trop court, pas trop transparent, pas trop pute, et c'était utilisé beaucoup pour nous interdire d'aller dans des espaces où il pouvait y avoir des vis-à-vis avec les hommes. Pour cette raison-là, on nous interdit, par exemple, d'aller au terrain de foot 1000 fois. Alors, les femmes, on n'avait pas le droit d'aller dans ces bouts d'herbe, parfois dans quelques prisons, les seules qu'il y a, parce qu'on était exposés à la vue des hommes. Soi-disant, bah, c'était pour notre protection. En France, on a remarqué beaucoup qu'il y a cet intérêt à cloisonner les espaces hommes-femmes, et surtout pas coïncider dans nulle part. Même. Or, en Espagne, Maïté, toi qui as fait plus longtemps là-bas, c'était pas du tout comme ça. Non, en Espagne, j'ai pas beaucoup vécu dans les prisons espagnoles, mais ce que j'ai vu, c'était pas du tout ça. ça nous infantilise beaucoup en plus, parce que on dirait que nous on n'est pas capable de se défendre devant des hommes, par exemple, ou décider si on veut s'exposer ou pas. C'est notre choix, non? Cuídame tierno, follame sucio, mi fidelidad por tu mamada. Pongo musiquita alta pa' que los vecinos no escuchen bien lo que pasa. No va a dejar de dar hasta que está al año. C'était un son de Sombra, No Voy a Tolerar, tiré de son album War. Ce son, ça parle de riposte au sexisme dans le rap et ailleurs. Pour moi, c'est ça, c'est l'infantilisation, le paternalisme, et surtout, il faut nous éduquer. Non? Parce qu'on est sorti de le chemin que ça nous est imposé depuis que nous sommes nés. Je vois aussi cette truc de près. Ils vont nous éduquer parce que, par exemple, le truc d'être une mauvaise mère. Mais choses. Il y a cette paternalisme, infantilisation, éducation, mais aussi une grande punition. Mm-hmm. Parce que tu es une mauvaise mère, donc on va t'enlever tes enfants, on va t'empêcher de voir tes enfants, que c'est la insouffrance que j'ai vue avec d'autres femmes qui avaient des enfants. Et très, très, très, très grand. Non? Il faut que tu sois une bonne mère, mais on va bien te punir et où ça te fait le plus mal, on va t'enlever tes enfants. Je me demandais aussi si par rapport à cet accès à continuer une relation avec tes enfants quand tu es en tour, il y a la paix, c'est sûr, qui joue un gros rôle. On a vu là, pendant le Covid, par exemple, que les parloirs enfin, avec les enfants, ça avait été interdit pendant un moment parce que tu ne pouvais pas venir à plus de un. Du coup, les enfants ne venaient pas tout seuls. Donc, personne ne voyait pas leurs enfants ou leurs neveux, nièces, enfin, en tout cas, les enfants de leurs proches pendant super longtemps. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas, par exemple, de la part des proches de la personne incarcérée, des fois, la volonté de pas amener les enfants au parloir. Aussi, une meuf qui était mère, elle est plus séparée de ses enfants aussi parce que c'est un mauvais exemple. Et souvent, c'est les mères elles-mêmes aussi qui ne veulent pas avoir les enfants parce qu'ils ne veulent pas imposer le parloir ou la prison à leurs enfants. Je pense que oui. Que quand c'est une femme qui est en prison et qui a des enfants, elle a beaucoup moins de parloirs qu'un homme seulement. Mais aussi, il y a cette tour de mauvais exemple que je n'avais pas réfléchi. Pour moi, il y a aussi cette tour de. Bah, c'est la personne qui est le pilier de la famille, celle qui prend soin des autres qui est en prison, donc qui va prendre soin des personnes? Moi aussi, par exemple, ben, j'ai vécu aussi des personnes qui ne voulaient pas ramener leurs enfants en prison parce qu'elles avaient peur des stigmatisations à l'école, par exemple. De dire, ben, voilà, je peux comprendre que vous avez une relation avec cette personne de petit âge, mais après c'est moi qui dois gérer si c'est copain ou copine de l'école et si ça sort de sa bouche que il est allé visiter une telle personne en prison. Pour éviter ça, c'est à cause de manque de savoir-faire de la personne adulte qui paye l'enfant, parce que l'enfant le vit peut-être super naturellement la prison. En plus on a plein de cas que tout de suite se met à imaginer des plans d'évasion quand elle comprend que tu peux pas sortir de là et tu te dis mais comment ben on fait un tunnel, on fait un plan d'imagination, plein de choses. Mais après c'est pour les personnes plus âgées qui prennent soin des enfants qui posent plus de problèmes parce qu'elles savent pas comment expliquer l'atoll, pourquoi tu es là, ou elle veut pas juste peut-être rentrer dans pourquoi tu es là, elles ne savent pas l'expliquer, ou qu'est-ce que c'est l'atoll, ou parce que dans l'imaginaire collectif, l'atoll, il y a les méchants dans l'atoll. C'est sûr que de la part de la pénitentiaire, il n'y a pas cette envie que ces relations mère-enfant continuent. C'est le contraire. Et si c'est en plus, je ne sais pas, je me souviens d'une amie gitane. Elle a été arrêtée et ses enfants ont été placés dans deux familles. Elle a demandé que ses enfants soient avec sa sœur. Bah, l'État ou la justice française a refusé. Pas beaucoup, pendant beaucoup de temps, mais pendant 7 ans, ils ont coupé les cheveux longs à la fille. Quand les cheveux longs pour la culture gitane, c'est super important. En trouve de imposer aussi, là aussi on voit cette imposition de bonne la civilisation en ce cas française, non, contre les gitans ou contre les femmes plus libérées, en train de les enlever les enfants, de les imposer sa façon de s'habiller, sa façon de faire. C'est vachement une menace dans le. Enfin, le fait de dire si tu te comportes pas comme ci ou comme ça, je vais t'enlever tes enfants. En tout cas, à l'extérieur, par rapport au quand on place des enfants, quand on enlève des enfants à quelqu'un, c'est il y a toujours une injonction de toi, t'es pas capable de t'en occuper parce que pas une bonne mère. Ouais, t'es pas une bonne mère ou t'as pas assez de revenus légaux. En tout cas, du coup, tu peux pas t'en occuper. T'as pas telle ou telle chose. J'ai l'impression que c'est un peu toujours la même logique de la part de l'État qui sait mieux qu'est-ce qui est mieux pour les personnes, que ce soit qu'est-ce que c'est une bonne mère ou qu'est-ce que c'est une bonne femme. Enfin, je dis l'État, la société dans l'ensemble. Ils savent mieux, mais en même temps, ils te donnent rien pour le faire bien. Ça, t'as pas de revenus, donc on t'enlève les enfants. On te donne pas l'argent. On te donne pas, on t'aide pas économiquement, non? Je me rappelle le cas d'une fille que s'est plaint de ne pas pouvoir voir sa fille. Et ben, la réponse de la pénitentiaire était il ne fallait pas avoir des enfants. Vous saviez ce qu'il y avait. Parce qu'elle, elle a eu son enfant, sa fille, au parloir. Ça fout la rage à la pénitentiaire parce que, comme on disait avant, le contrôle de nos corps passe aussi par le contrôle de notre sexualité en prison. La sexualité, c'est, et le fait de pouvoir faire un enfant en tôle, c'est complètement interdit, quoi. Et non, ils ont puni fortement tout geste, comme on disait avant, au nom de l'attentat aux pudeurs, à la pudeur, tout y rentre là-dedans. Tu n'as pas droit à avoir du sexe en prison. Si c'est avec une personne qui vient de l'extérieur et tu t'es fait attraper ou tu t'es câline un peu trop à la vie de la surveillante qui passe par là ces jours-là, tu risques de ton permis de visite être bloqué pendant quelques mois ou quelques semaines. Et en plus, tu risques de prendre une peine, un avertissement, une peine, une punition, quelque chose comme ça. Après, par exemple, quand tu as une copine à l'intérieur, par exemple, il n'y a pas de place pour que tu puisses être avec ta copine tranquille, avec un espace d'intimité. Mmh. Alors, beaucoup de filles, ce qu'elles faisaient, c'était de cacher sa relation avec l'autre fille et demander juste comme des potes d'être ensemble en cellule. Mais par exemple, nous, on n'avait pas ces droits-là. Parce que à cause de notre statut de DPS, une des contraintes, c'était vous devez être seul en cellule. Mmh. Et alors, même si dans les cas les plus... Par exemple, dans les cas qu'une autre prisonnière a besoin de réconfort, parce que, par exemple, il y a eu un décès dans sa famille, ou il y a eu un gros problème, même elle a besoin d'aide médicale pour des jours concrets, pas pour ça, elle ne te laissait pas être ensemble dans la même cellule. Mmh. Alors, ce qu'on devait faire, c'était si on avait une relation, essayer peut-être au début de la cacher au maximum, pour pouvoir encore se rencontrer dans des espaces. Mais par exemple, il y avait des moments que quand l'administration pénitentiaire s'est pigée que tu étais en relation avec une autre fille, c'était jusqu'à l'interdiction de se rencontrer sous les douches. Mais tout ça, il s'était pas affiché, clairement. Ouais. Il n'y avait pas une note qui disait c'est ça, il venait pas te dire... vous avez interdiction d'aller avec une telle sous la douche, gne gne, parce que c'était une mesure hyper homophobe. Il n'y avait pas dans les règlements rien qui dise que deux personnes ne peuvent pas aller sous la douche. Bon, je veux dire, l'attentat à la pudeur, c'est fameux. Exact. D'aller ensemble sous la douche, ça faisait partie de ces trucs-là? Non, peut-être. Parce que la surveillante, elle est présente. Non. Mais non. Elle peut être présente quand même. Ouais. Donc, mais elle peut. Non, mais les excuses, elles entrent, ouais, parce que l'attentat à la pudeur peut être dénoncé, parce que c'était ce qu'on nous disait parfois. Non, est-ce que ça gêne les autres filles? Et nous, on demandait aux filles, les filles, ça vous gêne? Non, personne ne s'est gêné à personne. Ouais. Mais elle voulait enlever cette responsabilité homophobe d'eux pour la rapporter sur des autres filles qui, soi-disant, s'étaient plaintes que. Quand personne ne t'a calculé. Mais bah, c'est des choses qui sont arrivées, de, voilà. De devoir chercher des endroits, bah, sous la douche ou sous la salle de sport ou dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas une place pour que tu puisses être tranquille avec ta copine, par exemple. Non? J'avais l'impression aussi, enfin, un autre truc qui était dit, qu'on discutait, c'était que, par exemple, sur l'accès à des contraceptifs ou sur les magazines porno ou quoi, qu'il y avait une différence, que ça avait l'air d'être beaucoup plus répandu dans les tôles de mecs que, en tout cas, sur l'accès à des trucs liés à la sexualité que dans les tôles de meufs. Et que, bon, j'imagine bien dans les deux, c'est une punition aussi, que ce soit pour les mecs ou les meufs ou d'autres personnes. C'est toujours une punition d'interdire l'intimité. Mais qu'il y a quand même une différence dans qu'est-ce qui est toléré ou qu'est-ce qui... Ouais. Il y a cet imaginaire collectif, c'est vraiment une illusion, que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes. Donc, les pauvres hommes qui sont enfermés, bah, au moins on va leur donner des marins en porno, un canal plus, un porno. Même on va peut-être dans les parloirs, bah, faire, si la femme est dehors, lui il est à l'intérieur, bon, on va, bah, peut-être qu'il va se toucher un peu trop, mais bon, peut-être si c'était des prisonniers politiques, bah, peut-être pas trop, mais bon, je sais pas. Et c'était tolérance. Et ouais, je disais aussi, bah, quand j'étais en Espagne, en prison, j'étais à Soto del Real, dans la pause mensuelle, il y avait du préservatif. Et j'étais waouh, waouh! Parce que ça voulait dire que, comme les papiers toilettes ou les serviettes hygiéniques, bah, il y avait aussi des préservatifs, parce que là, c'était vraiment quelque chose de naturel, ou qu'on pouvait le faire. Qu'en France. Si, mais en parlant de la sexualité, bah, et encore du contrôle, bah, nous, par exemple, nous avons passé toutes les années qu'on a été à l'intérieur, on les a passées en ayant des contrôles toute la nuit, tous les deux heures. Ouais. Et par exemple, ça aussi, c'était pour moi une forme de contrôle. Tu peux même pas être une nuit tranquille avec toi-même, avec ton corps, avec, pour faire ce que tu veux. Et parfois, il faut me calculer. Non, mais attends, il y a les contrôles qui vont arriver. Je vais commencer à m'ébranler maintenant, parce que sinon, ça va me couper tous les... Mais il y a ces calculs aussi, tu vois. Ou même, je ne vais pas les chier, parce que là, il y a les contrôles qui arrivent. Mais des choses que... Vraiment, il faut que tu te cadres là, aux heures et contrôles. Une fois, il m'a raconté qu'il était en train de s'épiler, qui passait une surveillante... faire les rondes de nuit et que l'a interpellée parce qu'elle était en train de s'appeler, que la surveillante ne voulait pas voir sa croix, mais la même surveillante que sûrement le lendemain, si elle n'avait pas le voir, elle aurait fait la fuite intégrale. De lui demander de lui montrer bien les trous du cul. Oui, ou même d'enlever les tampons, comme c'est arrivé à notre camarade aussi, de après un parloir. On se souvient, lui a vu une cordelette qui tombait de sa chatte. Il lui a dit d'enlever les tampons. Et ça a été hyper humiliant pour elle. Et finalement, je pense qu'elle a accédé, elle lui a mis les tampons carrément dans la main comme ça. L'autre a fait « Ah, c'est dégueulasse !»« Bah, vous vouliez mon tampon, bah voilà mon tampon !» Mais jusque-là, tu vois, c'est arrivé des... Il y a ce truc de l'attentat à la pudeur, il est venu... Il est placé à des endroits où, comme tu disais, tu dis « Mais pourquoi tu regardes, en fait ?» Qu'est-ce que... Exact. Tu vois que j'ai ma culotte qui dépasse un petit bout, tu vois qu'il y a l'élastique de mon soutien-gorge qui sort, ou tu vois que j'ai pas de soutien-gorge, ou tu vois que j'ai caressé la main de telle personne, ou les fesses, ou les seins. Mais pourquoi t'es en train de regarder à cet endroit-là ? Enfin, on sent qu'il y a un truc d'attendre à la pudeur, et en même temps, de voyeurisme presque, d'intrusion dans l'intimité. Et que c'est assez... Ouais, après, j'ai toujours eu l'impression aussi que les surveillants pensaient que nous ne savions pas l'intimité, que nous ne savions pas vraiment, qu'ils se permettaient de lire nos livres, nos lettres, d'écouter nos conversations. Et on m'a même dit une surveillante, elle était très conne, pour dire ça comme ça, mais parler en français parce que je ne comprends pas. Oui, mais je ne suis pas en train de parler avec vous. Là, non, mais il s'était là et tac, elle se mettait. Mais ouais, vraiment, mais, il pensait que nous n'avions pas besoin d'intimité. Je ne sais pas. Souvent, j'ai réfléchi à qu'est-ce que pour eux, nous sommes quoi. Peut-être que nous sommes juste pas pour quelqu'un qui parle dans l'usine des pièces. Dans l'usine, on est des pièces. Sans humanité, sans des soins. Et l'intimité, c'est un des trucs. Il y avait ça aussi, je pense qu'il y avait une vie de mère de la part des surveillantes, donc c'est besoin de savoir, après de comment elle s'entraîne. Mais aussi, qu'ils nous enlèvent toute humanité, je crois, dans leur tête. Donc, ouais, c'est d'accord. Ouais, des manières de rabaisser ou d'humilier les gens pour pouvoir se sentir. Des fois, même sans se rendre compte que tu es en train d'écouter ma conversation, que je ne suis pas en train de parler avec. Moi, ce qui m'étonnait parfois, c'était que. Ok, c'est la logique de la pénitentiaire, non, de fonctionner comme ça, et de surveiller tous tes mouvements, d'écouter toutes tes conversations, de regarder tout ce que tu fais, tout ce que tu lis, qu'est-ce que de ces contrôles absolus, non. Mais ce qui m'étonnait, c'est qu'ils attendaient que nous, on avale ça, tu vois, qu'on normalise ça, non. Qu'on soit content de parler avec eux. Et par exemple, ça, non, de se trouver dans des situations genre. Tu sors d'un parloir, tu viens de te rencontrer quelqu'un de proche, t'es super bien parce que tu restes sur ces sentiments-là. Et du coup, poum, tu tombes sur la fouille, non? Et voilà. Et la fouille est bon, on arrive peut-être à dépasser ça avec les années, on contourne pour ne pas se sentir mal. Mais c'est toujours un truc, on le vit, c'est qui te gêne, c'est un truc incommode, c'est une agression à ton intimité. Exact, non? Un attentat à ton intégrité physique. Et t'es dans ce contexte-là, non? Et la surveillante se permet de. Bon, madame, ça a été votre parloir? Et tu restes là, mais attends, mais on n'est pas des copines. Vous êtes en train de me déshabiller, surveillante. Et mais, de le dire comme ça, mais elle n'est même pas. Si, peut-être elle sait ce qu'elle est en train de faire, mais attends pas que moi j'ai validé ça, tu vois. Et c'est, non, vous êtes en train de me déshabiller, on n'est pas des copines. Oh non, mais moi j'essayais d'être gentille, mais non. Et vous comprenez rien. Encore cette forme de dire, bah, vous êtes la méchante, vous êtes impolie parce que j'essaie d'être impolie. Non, mais vous comprenez pas la violence derrière votre geste. Et c'est ça, non? La logique de la pénitentiaire. Se permet, par exemple, de faire des remarques. Et nous avions encore la possibilité de nous exprimer dans notre langue, qui n'est pas la langue française. Et du coup, bah, ça faisait qu'on avait ces espaces, ces lettres qu'elle ne pouvait pas lire après les contrôles du palais, bien sûr. Parce que quand on a été préventif, toutes nos lettres partaient au palais, et avec les contrôles de là-bas et tout ça. Mais après, on avait cette chance de pouvoir communiquer comme ça. Mais des échos, de plein de surveillants qui se sont permis de faire des remarques genre « Alors, votre mari, il est revenu de l'aide ?» Et des choses comme de dire « Mais comment elle sait que mon mari il est parti parce qu'il a lu dans une lettre et elle te le dit comme ça, tu vois ?» Comme si c'était un truc normal, comme on lit t'es courir, quoi. Après, c'est ça, t'es en prison pendant un bon moment. Après, il peut y avoir des gens qui veulent parler ou pas. Mais que ça soit bien clair que c'est pas un choix qu'on fait, c'est une imposition. Oui, parce que d'ailleurs aussi, ça peut être si tu t'énerves trop, si tu dis trop fort, qu'est-ce que tu penses aussi. Il y a les punitions à l'intérieur de la tôle aussi, quoi. C'est les rapports, ça peut être le mitard. Enfin, c'est pas juste un choix, quoi. Il y a aussi la punition si tu vas trop loin dans le refus ou l'opposition. Et on n'est pas dans la même position. Et la surveillante, elle te parle d'une position uniformée, armée. avec tout son arsenal de punitions derrière elle. C'est pas pareil. Et, par exemple, il y a les surveillants qui se permettent de te toucher physiquement. Oh, mais juste comme un geste amical, quoi. Et ben, c'était une chose qui marquait beaucoup. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas parce que si moi, par exemple, je vous touche, vous pouvez m'accuser d'agression. Et c'est, on n'est pas dans la même position. On n'est pas, déjà, on n'est pas copines. Mais c'est-à-dire, je veux pas qu'on me touche, que vous me touchez. Mais on part pas dans cette relation d'égalité. Vous êtes en train de m'enfermer, de m'imposer des trucs, des normes que peut-être vous-même comprenez même pas. Mais parce que c'était une des réponses étoiles. Et star, non, genre, pourquoi? Et parce que c'est marqué dans le règlement. Et ça, c'est... Mais moi, j'aime pas, mais je peux pas faire autrement. Ouais. Alors, c'est vous qui avez choisi ce métier, non? Ouais. Si j'ai l'impression, c'est parce que moi, j'ai décidé de refuser, c'est pas quoi, de prendre les armes. Moi, j'assume, vous assumez pas. Es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra, asquerosa delincuencia. Vosotros hacéis la ley. On vient d'écouter Delinquencia du groupe La Polla Records. Et du coup, je me demandais par rapport à la question de se rebeller, de parler fort, d'utiliser des moyens violents ou offensifs ou comme ça, que pour moi, c'est pas perçu de la même manière si tu pars d'une construction meuf ou si tu pars d'une construction mec, et que je me demandais comment est-ce que ça se jouait aussi dans la tôle, que c'est des choses qui existent partout dans la société, mais aussi comment est-ce que dans la tôle ça c'était ramené à, ouais, je sais pas, soit c'est plus puni ou soit comment est-ce qu'on te ramène à, si tu es, puisque t'es une meuf, il faut que tu sois comme ci, comme ça. La prison elle-même, c'est une violence horrible. Ils peuvent t'aimer plus ou moins con, mais c'est pas grave. C'est pas les choses. La violence va beaucoup plus au-delà de la prison. C'est une violence, donc répondre violemment. De fois, cette violence, ça peut être quelque chose de très logique en tout cas. Je sais pas si c'est assez courant ou pas, mais logique. Après, je pense que c'est plus puni si c'est une femme qui se rebelle contre toute cette violence ou oppression que la prison nous impose tout le temps. Non? Et je pense que la psychiatrie, l'HP, tout ça, c'est souvent beaucoup plus utilisé aussi contre les femmes. Et je connais quelques signes rebelle, bien rebelle en prison, et je pense que tout on connaît l'HP dans un moment ou l'autre. Pour moi, l'explication, c'est ça aussi, non? Nous, les femmes, on est calme, on peut pas se rebeller, on peut pas s'énerver, on peut pas crier, on peut pas frapper. Et si on fait ça, c'est parce qu'on a un problème psychologique, une maladie, non? Et les hommes, c'est naturel, c'est comme ça, c'est comme les sexes, c'est en eux. Tout à l'heure, vous nous avez raconté que les prisonnières basques que vous avez connues, elles ont été très peu psychiatrisées ou alors même pas du tout, surtout en comparaison avec les autres personnes qui sont encore incarcérées dans les prisons pour meufs en France. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient considérées comme des détenues politiques? Pour moi, plus que ça, il y a que pour nous, quand on parle des gens qui ont été en prison pour des raisons politiques ou c'est des prisonniers politiques, on a derrière nous un grand soutien, on va dire, du peuple, des amis. Et donc, cet soutien qu'on a dehors et aussi à l'intérieur, avec nos camarades, nous rend forte face à la paix. C'est que les autres filles que j'ai dit, la plupart ont beaucoup moins que nous. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ça, si moi j'étais amenée à l'HP, hostia, il y aurait une grosse réponse. Je pense en France, il y a d'autres cas aussi qu'on connaît, non? Et Christine, par exemple, elle a fait l'HP, mais elle n'a pas été longtemps. Et je pense que c'est grâce au soutien qu'elle avait dehors. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de la part, encore, on revient encore à cette intention qui a la tôle tout le temps de nous ramener à ce que c'est considéré comme être une bonne femme, bonne élève, bonne détenue. Et c'est pas tous ces appels au calme, à la discipline, quand on discutait en partant par les couloirs, où on était juste joyeuses et on discutait trop fort, ces appels au silence tout le temps, silence, et la surveillante, elle criait plus que nous, en criant silence, mais un truc de ouf, non? Et après, je pense que les solutions qu'ils donnent pour les personnes rebelles, par exemple, sont beaucoup plus violentes que la violence elle-même peut avoir faite cette personne, non? Par exemple, il y a des choses qui me choquaient, qui m'ont toujours choquée. C'est qu'une personne qui est complètement désespérée parce qu'elle ne supporte plus être enfermée ou parce qu'elle pète un câble, juste, la solution de l'administration pénitentiaire, c'est toujours la menace. La menace, vous allez finir au mitard, on va vous faire la piqûre, ou plein de choses qui en elles-mêmes engendrent beaucoup plus de violence que le fait de frapper une porte ou de juste crier parce que tu ne supportes plus, non? Et les mitards, on les fait au exact, non? Les cachetons, voilà. Ou par exemple, les solutions qu'ils donnent, par exemple, à une personne qui a fait une tentative de suicide, c'est la punition, parce que tu vas être puni avec les mitards, en sachant que le mitard, c'est affreux. Si tu es mal dans ta tête, tu as du mal à supporter cet enfermement, cet silence, cette obscurité, cet endroit qui est fait pour te détruire complètement. Alors si tu as le mal déjà dans ta tête, de te ramener au mitard, c'est complètement fou. Ou d'autres solutions, de te mettre en contrôle tous les heures. Mm-hmm. En sachant que si tu veux, par exemple, et passer à l'acte, t'as qu'à attendre ton contrôle pour y aller. Et qu'en plus, ça t'engendre encore plus de mal-être parce que t'es contrôlé toutes les heures, on t'empêche de dormir, d'être tranquille dans ta tête, tu sens la pression de la tôle encore sur toi, non? Et voilà. Oui, après, ça c'est pas peut-être le sujet, mais quand on disait que silence, je pense aussi qu'ils supportaient pas qu'on soit... qu'on parle, qu'on rigole, qu'on est un peu fort, et qu'on soit vivante, oui, ça c'est vrai. Joyeux, c'est insupportable pour eux. On doit être triste, on doit cette autopunition, c'était des poids chrétiens, hostia, il faut que toi tout te sens mal, tout te... Ça joue beaucoup aussi. Que tu fasses ta peine. Ta pénitence. Voilà. Ta pénitence. Ouais, c'est ça. Globalement, vous racontiez que Tu parlais de rire, de ensemble, de partager des formes de joie à l'intérieur de ce... Ouais. Ouais, parce qu'il y a la joie aussi. Ouais. Il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de vie aussi. Mmh. Heureusement, ils essayent bien de les faire casser tout ça, mais encore ils ne sont pas arrivés. Mmh. Et vous parliez aussi de comment la paix, qu'est-ce que la paix elle met en place pour mettre en concurrence toutes les détenues entre elles et casser les solidarités, ou alors de bien montrer que n'importe quel acte de partage ou de solidarité, c'est une forme, ils vont qualifier ça de trafic, en parlant de bouffe par exemple, ou en parlant d'autres choses. Oui, normalement, on n'a pas le droit de partager rien qu'il soit des choses matérielles ou qui puissent nous faire la vie un peu plus agréable, comme par exemple un morceau de gâteau ou se dépanner du tabac, un peu de tabac, un peu de café. Tout ça, c'est perçu comme toujours on est suspect d'avoir un intérêt caché dedans, parce que tu peux, et soi-disant, on est toutes des personnes méchantes qui n'avons pas l'empathie et qu'on cherche à retirer un bénéfice de cet échange. Non? Mm-hmm. Et c'est toujours ça, la logique pénitentiaire. Mm-hmm. Oui, tu essaies de, comment dire ça, un peu d'étudier toutes ces lois, toute cette façon de penser, de dire, cette personne qui a fait ces lois-là, était vraiment malade, non, elle était vraiment méchante pour mm-hmm. penser que, non, que les autres peuvent faire, parce que nous on s'imagine même pas, non, souvent que non, je vais juste, j'ai fait un gâteau et je vais juste partager avec mes copines. La solidarité, l'amitié, la sororité, c'est une arme pour nous, contre eux. Ils ne peuvent pas supporter ça, ils doivent les casser, mais de tous les côtés que possible. Mm. Et moi, avec plein d'attitudes que j'ai pu avoir et qui sortaient souvent naturellement. Après, je les ai même fait un peu comme acte militante. Chaque fille qui était au mitard, je l'écrivais une lettre. Mm. Parce que juste faire ça, pour moi, c'était humainement super important. Mais je voyais aussi que c'était ça, le faisait bien chier ça. Juste ça, parce qu'ils veulent qu'on soit, que la personne qui sort du mitard, elle soit un peu rejetée par les autres meufs de la promenade parce qu'elle a été méchante, et ça arrive ça. Ça m'est arrivé moi la première fois que j'ai fait du mitard à Fresnes, je me souviens sortir du mitard, et les filles que j'avais pas hyper confiance à l'époque, mais hostia, elle me regardait mal, c'était violent ça. Si t'es seul, si t'es dans une autre situation, sortir du mitard, avec tout ce que le mitard implique, comme tu as dit Marina. Après, sortir et qu'en plus les camarades ou les gens qui sont en promenade te regardent mal. Mais là, il faut voir encore quelle intention il y a derrière tout ça, parce que l'administration pénitentiaire tout le temps cherche à casser ça, non? À casser la solidarité, à casser les amitiés, parce que ils ont super peur qu'on fasse des alliances. Et des choses les plus banales, comme ça peut être une revendication de, on veut des, je sais pas, des fruits et légumes à la cantine, pour dire quelque chose. Et tu fais une lettre, et tu sais, ou quelqu'un fait une lettre, et essaye de faire signer tout le monde et tout ça, ça c'est déjà un acte de rébellion, parce que c'est interdit tout truc collectif. Et tu peux être puni pour ça. Alors, de te rapprocher de quelqu'un qui se rebelle contre la tôle, ça te classe déjà sous un certain regard de l'administration pénitentiaire. Mmh. Et moi, je pense que ce que tu racontes, c'est beaucoup lié à ça. De genre, je veux être la bonne prisonnière, la bonne détenue exemplaire, et je ne dois pas côtoyer une telle ou une telle autre personne. Non? Si, c'est sûr, ça c'est... Mais pas que ça, je pense que c'est encore plus profond, qu'on soit des ennemis entre nous. Mais je pense que dehors c'est un peu ça aussi, hein. On sait, si je suis en galère parce que je ne trouve pas du boulot, c'est la faute des migrants qui sont venus, qui sont en train de me voler. Non, et qu'entre nous il y a toujours cette compétition, mm-hmm. cette compétition de... Et je pense qu'en prison, c'est ça. Et que les amitiés, ça leur fait chier. Oui. Et bien sûr, après, parce que tout ça, ça peut amener à ça. Ouais. Est-ce que tu disais comment l'administration pénitentiaire fait des pressions pour empêcher ces choses-là? Bah, parfois, c'est juste de faire appeler la fille par les chefs, par exemple, et leur dire, bah, voilà, vous côtoyez des personnes qui sont méchantes, qui sont mal vues par la pénitentiaire, et vous allez finir à avoir des embrouilles. Et juste que ça, et ça choque beaucoup de personnes parce que, qui se sont peut-être approchés de toi juste par curiosité ou par hasard ou parce que tout lui plaît bien, de se faire appeler nominalement toi avec le chef assise dans une table et qu'ils sont en train de te dire ça. Et si tu ne changes pas l'attitude, c'est déjà quelque chose. Ça te positionne déjà dans une certaine attitude, non? Si c'est juste être ami, voilà. Moi ça m'est arrivé à Poitiers que les chefs ont appelé à, je sais pas combien de filles, ou juste une ou plusieurs, je sais pas, et leur dire que attention avec moi parce que j'étais un loup. Un loup? Ouais, j'étais un loup et bah, j'étais dangereuse. Un loup? Ouais. Bah, ils sont intelligents et tout, mais enfin, ils sont bien cons aussi. Ils peuvent pas tout contrôler. Mais bon, je pense là, d'autres fois, je sais, il y a des camarades qui ont beaucoup galéré. Sortir en promenade parce qu'ils ont dit qu'ils étaient terroristes, attention à lui, il avait tous les enfants, nanana. Et galéré. Ça aussi, avec des mensonges sur le fait qu'ils t'ont ramené en prison, bah, il peut raconter ta vie ou même la vie d'une autre détenue. C'est un truc. Qui, les autres n'ont rien à foutre de pourquoi tu es en prison ou pas, et parfois c'est de dire et de eux-mêmes pourquoi tu es en prison, non? Et essayer d'empêcher bah, des rencontres ou de donner des préjugés envers toi, non, aux autres filles, non? Et après aussi la pénitentiaire, je pense que désactive beaucoup de luttes en faisant pression sur des aménagements des peines, sur des permis de visite, si tu attends telle permission de sortie, ou je sais pas, sur des choses comme ça, ils te menacent. Si tu n'as rien à perdre, bah, tu t'en fous, mais si ta vie, si à l'extérieur on t'attend, parce que tu as un rôle important dans ta famille, qui, ou des enfants qui sont à ta charge, ou je sais pas, ou des personnes qui ou un loyer à payer, ou je sais pas, 4000 problèmes, bah, là ça peut jouer beaucoup. Et aussi avec la menace de transfert, aussi, parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'aller un rapprochement familial, par exemple, ou qui se sont fait son propre. Un petit espace où okay, tu commences à rencontrer des personnes, à faire des amitiés, tout ça, et la possibilité de tomber dans une tôle encore plus éloignée de chez toi ou que tout doit tout recommencer, bah, aussi c'est une grosse menace aussi, je pense. Oui, ça me rappelle, en arrivant en tôle, ce truc de vouloir monter ou essayer de monter les détenues les unes contre les autres, ça me rappelle ce que m'a dit la psy. Quand je suis arrivée, que j'ai vu à peine j'avais dormi là-bas, j'avais croisé personne pratiquement, et du coup je connaissais pas du tout les autres détenus. Et la psy m'a tout de suite dit qu'il fallait que je me méfie des autres détenus, parce qu'elle voulait elle pouvait vouloir me filer des cachetons et pour m'aider soi-disant, ou alors pouvoir me filer des clopes ou des trucs comme ça, et qu'il fallait surtout que je ne prenne aucun médicament qui venait pas d'elle ou d'une médecin. Et surtout que je fume pas leur clope. Et je me souviens que ça m'avait fait tilt au moment où elle avait parlé des clopes. Parce que ça m'avait fait un effet de genre, mais tu me prends vraiment pour une idiote. Enfin, je veux dire, les gens, ils me donnent des clopes. Puis c'était des indus. La plupart, c'était des. En tout cas, moi, celle que je voyais, elle fumait des indus, elle fumait. Et je disais, bah, en fait, si je demande une clope à une personne, je veux dire, je vais la fumer, je vois pas comment. Enfin, bon, bref. Et du coup, ça m'avait fait quoi? Ah, en fait, elle essaye de vraiment me faire peur. Elle essaye d'instiller la peur en moi, des autres détenus. Surtout pas leur faire confiance a priori. Alors que je leur ai jamais parlé. Et aussi, comment c'était facile pour elle de dire Évidemment, je vous donnerai tous les médicaments dont vous avez besoin. Si vous avez, parce qu'on arrive, on a du mal à dormir, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir quand ils arrivent. Et moi, je la regardais, j'étais là, ouais, j'ai jamais pris un somnifère de ma vie. Enfin, je veux dire. Et elle, ça avait l'air d'être comme si c'était évident que ça pouvait être nécessaire et que c'était la bonne solution. Ah oui, oui, c'est parce que je pense que ça les arrangeait beaucoup d'avoir les personnes cachetonnées et accrochées à la télé, non ? Par exemple, non ? Ça fait moins de mouvements, tu es moins réveillée, tu es moins consciente. Et en plus, toutes ces choses que la pénitentiaire peut te proposer, pour moi, éclaire beaucoup sur ce qu'est la tôle elle-même, non ? Parce ouais. que si tu proposes des cachetons à quelqu'un, tout de suite, c'est parce que tu présupposes qu'il y a une souffrance, quoi. Mm-hmm. Et c'est une souffrance structurelle cherchée, même. Mais mm-hmm. après, on te donne des trucs pour l'atténuer, non ? Mm-hmm. Par exemple, non ? Mm-hmm. C'est comme de dire, voilà, on sait qu'on a une machinerie qui tue, mais voilà, on te donne des cachetons pour que tu t'en aperçois pas trop. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est super éclairant, par exemple, les matins, non ? Les matins, les surveillants, et quand elles font les contrôles, elles ne viennent pas te dire bonjour, elles viennent juste surveiller que tu es vivante. Alors, je me pose la question, pourquoi, je sais pas, normalement, quand une personne dort, il ne faut pas s'assurer qu'elle est vivante ou pas, non ? C'est juste parce que tu sais que toute la souffrance que la prison engendre, hein, que tu sais que la prison tue. Ah oui, oui, c'est bien étudié, c'est bien. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez souffrance, ils vont. C'est sûr ça. Ils ont besoin de. En plus, ils ont besoin que les gens sortent de là en train de dire, c'est très dur. Parce que cette peur de la prison, c'est aussi une autre forme de contrôle de la population finalement. Et après, il y a l'hypocrisie, non ? Que si tu refuses les cachetons, mais, bah, tu pourrais faire te défoncer au shit. Par exemple, bah, voilà, tu risques voilà, de te faire attraper. Il y a même des fouilles. Bon, tout le monde qui est en prison le sait, vous le savez. Que, voilà, que c'est à la recherche du shit. Quand bah, voilà, ils ont le dealer principal, c'est au médical. Ça, on le sait. Parce qu'on a beaucoup, bueno, une expérience très très très crue avec la drogue, l'héroïne, comment ça a été par l'État et par rentrer chez les jeunes, justement pour couper toute cette combativité de lutte que c'était très fort, l'héroïne à l'époque, et après, bon, mais bon, je pense dans toutes les histoires de. Bah, aux États-Unis, c'est le crack, chez les Indiens, amérindiens, bah, l'alcool, non je ne sais pas. C'est évident que c'est une arme pour eux aussi. Ça, c'était Idegen Fujnak Azezelek. C'est un son de DX et Tom Kora. Et c'est un poème traditionnel hongrois qui parle d'un oiseau, de la liberté et du fait de sortir de ses chaînes. Je me demandais, vous parliez de concurrence et de division entre les détenus. Et je me demandais si ça jouait le fait de savoir ou de faire savoir aux détenus qui était accusé de quoi. Est-ce que c'était quelque chose qui se discutait beaucoup ou pas, et comment ça pouvait impliquer des divisions entre les types de détenus selon ce qu'elles avaient fait ou quoi. C'est vrai que le pourquoi une personne est incarcérée, ça engendre beaucoup de curiosité, je dirais, de la part de tout le reste des prisonnières. Et même c'est dévoilé publiquement par différents moyens. Par exemple, un des moyens, c'est ces émissions crime ou fait entrer l'accusé ou des choses comme ça qui se permet d'étaler la vie d'une personne publiquement comme ça, de montrer des photos et de sa famille, de son enfant, du voisinage, de recueillir des témoignages sur des choses que vraiment sont basées peut-être sur une enquête policière qu'on ne connaît pas exactement. Et c'est soi-disant voulu présenter les trucs comme un truc journalistique, mais à la base c'est que du commérage, non? Mmh. Et là, ça peut amener à que tout le monde en parle, et ça peut amener à des situations très dures pour la personne qui est exposée comme ça dans un moyen public, non? Mmh. Mais après, il y a des personnes qui peut-être ont des situations qui engendrent plus de respect, mais aussi peut-être parce que c'est lié à un certain niveau de vie. Par exemple, je veux dire, si tu es une personne qui t'habille avec des vêtements de marque, par exemple, mm-hmm. ou tu as des accusations liées au grand trafic de drogue, ou à des braquages qui ont rapporté plein d'argent, pareil que dehors, dans la société capitaliste, à l'intérieur aussi, si tu as un entourage, si tu as des habits de marque, ou si tu as. Ça te classe dans une position, et après, il y a tout le reste, des choses qui sont très mal vu, ça c'est vrai, des personnes qui ont commis des violences sur les enfants, des mères qui ont peut-être tué leurs enfants. Et je sais que par exemple, la pénitentiaire aussi, selon l'intérêt qu'elle avait, elle pouvait dévoiler les cas des personnes en essayant de nous diviser aussi. Je dis, t'approches pas d'une telle parce que ce qu'elle a fait c'est affreux, regarde, et en plus elle est violente, et en plus elle est méchante, et gnagnagna. Essayer de chercher toujours quelqu'un qui est pire que toi, non? Mm-hmm. Pire entre guillemets, mais je suis mal parce que je suis en prison, mais regarde, celle-là elle est pire. Mm-hmm. Donc, je pense que ça arrive aussi dehors. Mais à l'intérieur, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et bien sûr, tout est fait pour que ça arrive aussi, comme tu dis, à la télé. On alimente tout cet morbo aussi, c'est pas comment on dit ça en français. La morbidité? Non, mais c'est pas pareil, c'est pas le même mot. J'ai cherché de la curiosité malsaine. Ouais, mais c'est pas comment. Le morbo. Ok, en espagnol. Ouais. Mais avant, on avait droit à ramener de l'eau en promenade. Mais à partir de maintenant, on n'a plus droit de ramener de l'eau parce qu'il y a des détenus qui ont trop profité de cette gentillesse énorme de la pénitentiaire. Et ils ont ramené de l'eau et en plus... Ils ont fait une bataille d'eau. Et en plus, un cachet aussi et un petit bout de gâteau. Donc c'est hyper grave tout ça. Donc, à partir de demain, on n'a plus le droit de ramener de l'eau en promenade. C'est un argument très utilisé. De dire, bah, voilà, il n'y a plus d'accès à je ne sais pas quoi, parce qu'il y a eu des abus. Ouais. Et tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ça? Non. Et c'est un discours qui rentre dans les discours des détenus aussi. Qu'est-ce que ça a joué, l'inculpation de terrorisme, dans le rapport avec les autres détenus ou avec la paix? Pour moi, le chef d'inculpation de terrorisme, pour moi, ça jouait seulement quand la pénitentiaire voulait le faire jouer. Mmh. Et en nous les jetant dans la tête, par exemple, quand nous, on appelait à l'humanité, par exemple, ou au respect de nos droits. Et la pénitentiaire nous jetait dans la tête, mais vous n'avez pas le droit de parler de ça. Et elle faisait allusion directe au chef d'inculpation. Et surtout, ça a été utilisé, je pense, pour faire peur aux autres détenus. Genre, vous ne vous rapprochez pas de ces personnes-là parce qu'elles sont méchantes, elles inventent des trucs, genre, elles touchent des enfants, en sachant que ça les éloigne de nous, par exemple. C'est ça, parce que aussi, terroriste, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans les médias et tout ça, alors je me demandais comment est-ce que il y a des gens qui avaient de la curiosité à savoir bon qu'est-ce qu'il y avait derrière cette accusation. Si, plutôt, il y a, oui. il peut y avoir aussi un point de vue d'admiration. Combien de gens t'as tué, t'as utilisé des armes, ouais. Et tout ce marron, une arme, ouais, un truc très bon. Mais ça a pas, est-ce que ça a marché les trucs de peur par exemple que vous avez? C'est juste la paix qui essayait ça, mais. Nous, moi non. Après, il y a eu des expériences dures, différentes peut-être. Mais je pense que les filles, elles nous connaissaient. Elles nous connaissaient et dans le sens de, elles avaient une image de nous, des filles super solidaires. Des personnes solidaires entre nous, surtout. Parce qu'elle nous voyait, qu'on le percevait comme un groupe super uni. Et ça, c'est voyé par exemple quand il y arrivait une nouvelle camarade, elle était accueillie dans notre groupe direct, mais pas seulement une camarade basque, mais une camarade anarchiste ou kurde ou quelqu'un qui s'est battu pour ses idées et dans une idée de libération. Et tout de suite accueillie dans notre groupe et ça a créé une admiration dans ce sens-là de waouh, même si vous ne vous connaissez pas, vous êtes capable de d'être là comme si vous étiez comme si c'était ta sœur quoi ou ta copine, non? Nous on était super actifs aussi à donner des infos sur le pourquoi on était là, non? Qui c'était ces Basques, ces groupes qui étaient tout le temps à manger, danser, rigoler, parler et on affichait beaucoup. Tous les mois, on affichait des affiches en promenade, où on donnait l'info, on faisait des brochures. S'il y avait une question concrète, on en distribuait ça en promenade. Alors, on continuait avec notre activité politique à l'intérieur aussi. Et du coup, bah, quand on était là à faire notre petite concentration avec les affiches en promenade, bah, les filles elles s'approchaient, elles nous disaient bah, c'est quoi ce qu'il y a marqué. Et on expliquait, bah oui, on est un collectif, on est plus, parce qu'à l'époque on est arrivé à être 700 personnes dans notre collectif, et maintenant on est à 230 à peu près. Incarcérés. Ouais. Mais on expliquait que voilà, que toutes ces actions, ça s'est passé dans tous les tôles, dans les mêmes jours, en coordination avec les gens du Pays Basque qui aussi manifestaient pour la fin de la dispersion, c'est-à-dire qu'il y avait une continuité entre notre lutte, la lutte qui nous avait amené en tôle, et les moments que notre activité en tôle est liée aussi à ce qui se passe à la rue. Ouais. Et tout ça, ça faisait que les filles nous approchaient d'une autre façon, et après, quand elles nous approchaient un peu trop, oui, la pénitentiaire entrait là à essayer de les éloigner. Mais sinon, on a eu plutôt de la sympathie en général. Mmh. Moi, je dis des autres filles, et, parce que nous, on est sympas. Mmh. Bon, je voulais dire, oui, pour finir, hein, c'est assez vite, je me suis rendu compte que la solidarité, ça leur faisait bien chier, que c'était insupportable pour nous, et qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient contre ça. Donc, bon, on va si peut-être, va demander qu'est-ce que de dehors on peut faire pour montrer vraiment cette solidarité, que bien sûr, c'est des choses comme ça, c'est parler, c'est de s'informer, c'est tout ça, mais peut-être, je me demande, il faut que nous intéressions aussi plus aussi, non? C'est quoi aussi les soins, c'est quoi les besoins qu'il faut avoir à l'intérieur, et c'est ça, avoir des culottes, et peut-être aussi c'est important. Et aussi de l'intérieur, c'est pas d'essayer de demander, de trouver des gens dehors solidaires, parce que souvent il y a des gens dehors qui ne savent pas comment faire, il y a des gens antérieurs qui ne savent pas comment faire, et qu'en sachant qu'ils vont toujours essayer de casser ça, et peut-être c'est un appel à la réflexion aussi. Mais moi, je veux dire aux personnes qui nous écoutent, surtout, je pense qu'elles sont en prison et. De tenir, de garder la pêche, de ne pas se laisser abattre à toutes celles qui nous connaissent, une grosse accolade et voilà, et à bas les mots de toutes les prisons. C'est bon, bisous. À bientôt. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo baina nonela ez zen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maiten.